Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le rapatriement de la Constitution canadienne de 1982. Nous courons, nous Québécois, et nous tout particulièrement du Québec français, le danger très précis de voir un homme politique obsédé, avec un entourage à sa mesure, imposer unilatéralement un tournant constitutionnel qui serait comme un monument à sa personne, érigé sur le tombeau de nos aspirations et de nos droits. Le premier ministre du Québec, René Lévesque, le 3 octobre 1980, René Lévesque qui réagit à la proposition constitutionnelle présentée la veille par le premier ministre canadien Pierre-Éliott Trudeau. Lévesque et Trudeau seront les deux protagonistes principaux de cette joute constitutionnelle qui va se dérouler à la suite de l'échec du référendum sur la souveraineté de mai 80 au Québec et qui va mener à la proclamation d'une nouvelle constitution canadienne approuvée par le gouvernement fédéral et par les gouvernements de toutes les provinces sauf le Québec le 17 avril 1982. Je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel qu'à la suite d'un an, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant que ce soit fait. Et si je m'adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons, à vous des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout peut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Le premier ministre canadien, Pierre-Éliott Trudeau, le 14 mai 1980, qui s'engage en pleine campagne référendaire, à quelques jours, en fait, du référendum sur la souveraineté au Québec du 20 mai 80, qui s'engage à renouveler la Constitution canadienne si le non l'emporte. Le non va l'emporter. Et ce qui suivra, ce sera, au fond, un an et demi, à peu près, de négociations, de psychodrames constitutionnels depuis le printemps 1980 jusqu'à l'automne 1981. Pour nous raconter cette tranche mouvementée de notre histoire, mon invité Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, auteur, entre autres, du livre « La bataille de Londres, dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel » qui a été publié aux éditions Boréal en 2013. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on vient d'entendre, cet engagement à 6 jours du référendum du 20 mai 80, cet engagement de Pierre Trudeau, c'est un peu ça qui part la machine, comme on dit. Oui, absolument. Je pense que M. Trudeau, à ce moment-là, était le camp du non était assez confiant de gagner la bataille référendaire. Les sondages étaient bons, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et M. Trudeau, je pense, avait déjà une idée assez précise de ce qu'il voulait faire. Et là, il a donc il a profité de ces derniers moments de la campagne référendaire pour faire cette promesse solennelle. Envoyer un signal, en fait, à la fois aux fédéralistes québécois, mais aussi aux Canadiens anglais. Il va se passer quelque chose après le référendum. Oui, absolument. Et M. Trudeau a sous-entendu, je pense, clairement dans son discours qu'il allait faire quelque chose qui allait aller dans le sens des aspirations traditionnelles du Québec, plus de reconnaissance de la nature distincte de la société québécoise par rapport au reste du Canada. Il l'a clairement sous-entendu, même si ce n'était pas du tout ça qu'il, en fait, avait en tête. Parce qu'en fait, il y a deux visions, puis le débat, il est pas clos sur le message envoyé par Trudeau le 14 mai 80. Est-ce que c'est un vrai changement dans le sens des revendications traditionnelles du Québec qu'il laisse entendre, qu'il promet, ou est-ce que c'est pas, au fond, quelqu'un qui sait très bien, qui a fait campagne en 79 sur une réforme constitutionnelle, qui sait très bien ce qu'il veut faire, ce qu'il veut donner comme constitution au Canada, et qui prend prétexte de cette campagne campagne référendaire. Ce débat-là, il existe encore aujourd'hui. Oui, absolument, parce que tout le leg, le résultat final va être évidemment mené à l'exclusion du Québec. Donc, le débat sur qu'est-ce que 80, cette promesse du 14 mai 1980, qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais M. Trudeau s'est défendu par la suite de toutes ses forces en disant « Non, je n'ai jamais voulu dire autre chose que ce que j'avais déjà... j'avais déjà parlé d'une charte des droits, ouais. J'avais déjà parlé d'un certain nombre de choses. Comment a-t-on pu interpréter mes paroles comme voulant dire autre chose que cela? » Mais le rédacteur de discours de M. Trudeau, de ce discours-là, en particulier un monsieur qui s'appelle André Burel, au lendemain du rapatriement de la Constitution, donc quand on a eu le résultat final, il a rédigé sa lettre de démission du cabinet de M. Trudeau parce qu'il s'est senti trahi par M. Trudeau et il est allé plus tard travailler avec M. Mulroney et avec en faveur de l'entente du Lac-Meech qui viendra plus tard pour tenter de réparer ce qui est arrivé en 82. Alors, si le rédacteur même de discours, du discours en question s'est senti trahi, je pense qu'on a là une indication forte du fait que M. Trudeau, effectivement, a clairement sous-entendu quelque chose qu'il n'a pas fait. Et même, dans le cadre de mes recherches, j'ai parlé avec Eddie Goldenberg, qui était le conseiller de Jean Chrétien, qui était ministre de la Justice à l'époque, et il a dit, et je me souviens, il a dit devant moi, ce discours a été une erreur. Ce discours a été une erreur, il l'a fait... Oui, exactement, il a suscité des attentes, et après ça, il y a eu un sentiment de trahison. Parce que Trudeau n'a jamais voulu aller là où peut-être les Québécois pensaient qu'il voulait aller. Non, c'est ça, exactement. Trudeau n'avait pas l'intention d'aller là, et il a sous-entendu le contraire. Et ça commence, donc, à la suite de cette défaite, de cette victoire du non au référendum sur la souveraineté en 80 au Québec. Le processus est enclenché, processus de renouvellement constitutionnel, de rapatriement et de renouvellement de la Constitution. Qu'est-ce que propose, comment ça se passe l'été 80? Que propose Trudeau? C'est quoi l'approche du fédéral? Oui, alors donc, après cette promesse, immédiatement le lendemain, les négociations commencent. Alors, il y a deux niveaux. Il y a Jean Chrétien, ministre de la Justice, avec les ministres provinciaux responsables des relations fédérales provinciales. Et il y a le niveau des premiers ministres avec M. Trudeau, Lévesque, M. Laïd et d'autres. Et M. Trudeau divise les enjeux en deux séries, ce qu'on va appeler en anglais « package ». Alors, il va y avoir « The People's Package », une série pour le peuple, et il va y avoir... Les réformes que veut Trudeau, exactement, la Charte des droits. Les propositions que M. Trudeau veut dans le « People's Package ». Donc, pour rapatrier la Constitution, qu'est-ce qu'on veut dire? Le gouvernement, le Canada, n'avait pas le pouvoir de modifier seul sa Constitution. C'était le dernier pouvoir que détenait la Grande-Bretagne sur le Canada. Et rapatrier la Constitution, ça voulait dire obtenir ce pouvoir. Ouais. Et pour modifier la Constitution, il fallait s'entendre sur une formule d'amendement de la Constitution. Et donc, évidemment, ça, c'est fondamental. Il faut une formule d'amendement. Donc ça, ça va dans ce que Trudeau appelle le People's Package. Formule d'amendement, charte des droits. Et une charte des droits. En gros, c'est ça. People's Package. Voilà. Et Trudeau dit ça, c'est pour les citoyens qu'on fait ça. Ouais. Et en deuxième lieu, s'il reste du temps, il y a une autre série d'enjeux qu'on pourra discuter, dit M. Trudeau. Il y a « The Government's Package », une série pour les gouvernements. Alors, il dit, voilà, en gros, il y a des provinces, il y a le fédéral, il y a des politiciens qui veulent avoir plus de pouvoir. Il les présente un peu comme des seigneurs féodaux qui veulent agrandir leur fief, etc. Un peu méprisant. Et il dit, ça, c'est des querelles de politiciens. Ça a très peu d'impact, au fond, sur le bien-être des citoyens. Et ça, s'il reste du temps, on discutera donc du partage des pouvoirs. Est-ce qu'on revoit les compétences fédérales et provinciales? Et par ailleurs, ça se joue à deux. Il pourrait avoir des compétences qui vont passer au gouvernement fédéral. Donc, ça peut résulter vers une centralisation. Comment les provinces réagissent? Ben, évidemment, les provinces réagissent très mal parce que plusieurs provinces, mais le Québec certainement, mais également d'autres provinces, étaient d'abord inquiètes pour leur champ de compétences. Il y a toute la question de la politique énergétique, le pétrole. À l'époque, Trudeau lance une politique nationale d'énergie qui vise, par la bande, à prendre le contrôle, du moins partiellement, du commerce des ressources naturelles, le pétrole en particulier de l'Alberta et de la Saskatchewan, le gaz naturel. Alors, ces provinces-là sont très braquées parce que les ressources naturelles sont une compétence exclusive des provinces. Donc, il y a des provinces... Et cette politique-là leur coûte très cher. Exactement. Les oblige à vendre leur pétrole aux Canadiens à meilleur marché. À meilleur marché que ce qu'elles pourraient vendre à l'international. Donc, il y a toute une... Autrement dit, Et le Québec, évidemment, veut avoir plus d'autonomie depuis très longtemps. C'est une question très, très, très ancrée déjà dans le débat à ce moment-là. Et donc, les provinces voient que leurs préoccupations de partage des pouvoirs sont reléguées à un statut secondaire, au fond. Et ce que Trudeau veut, la charte plus la formule d'amendement, ça, c'est prioritaire. Donc, ça part mal et ça mène à peu près nulle part, ces négociations à l'été 80. Ce qui fait que le 2 octobre 1980, Pierre-Éliott Trudeau y va d'une proposition précise et laisse entendre aussi, puis ça, on y reviendra dans un instant, Frédéric Bastien, mais laisse entendre aussi qu'il ira... cette proposition-là, si ça ne fait pas l'affaire des provinces, tant pis, il va procéder de manière unilatérale, mais... il propose donc un package, pour reprendre ses mots. Écoutons un extrait de ce discours fondamental du 2 octobre 80. Un aspect plus spécifique, là, le discours est très long, mais on va entendre un aspect qui touche, et ça fait partie de la vision qu'a Trudeau, la question des droits linguistiques des minorités au Canada. La Constitution garantira également à tous les Canadiens le droit de se chercher librement un emploi dans n'importe quelle partie du Canada, d'y acheter une maison, et d'y élever leur famille selon leurs propres coutumes et traditions. Et inséparablement liés à ce droit, on garantira à tous les parents, francophones ou anglophones, la possibilité de faire éduquer leurs enfants dans leur langue. À Montréal, en 1978, tous et chacun des premiers ministres provinciaux se sont engagés à respecter ce principe, en reconnaissant, et je les cite, que tout enfant appartenant à une minorité francophone ou anglophone a droit à l'enseignement dans sa langue, à l'école primaire ou secondaire, dans toutes les provinces, là où le nombre le justifie. Fin de la citation. Il nous appartient maintenant d'inscrire cet accord des premiers ministres provinciaux dans la Constitution. Donc, on voit bien, Frédéric Bastien, que cette constitution nouvelle que veut donner Trudeau au Canada, c'est une constitution qui va dans le sens de la vision qu'il a de ce pays, le bilinguisme, le biculturalisme. Il parle de droits linguistiques dans cet extrait. Ça touche directement le Québec, qui vient d'adopter la loi 101 une année plus tôt. Comment c'est perçu par le Québec? Comment c'est reçu cette proposition du 2 octobre par le Québec et par les autres provinces? Bien, c'est une proposition qui est en fait assez mal reçue au Québec, bien sûr, et même avec réserve dans plusieurs autres provinces, peut-être pas avec autant d'hostilité. Alors, pourquoi c'est mal reçu? Et pourquoi Trudeau propose cela? D'abord, sur l'idée de Trudeau, M. Trudeau pense que le fait que les Canadiens français, les francophones, qui sont majoritaires au Québec, aient un attachement particulier au Québec, empêche le développement d'une identité pan-canadienne dans un pays qui devrait être bilingue et multiculturel, et surtout bilingue, partout. Ouais. Et donc, M. Trudeau veut que tous les francophones se sentent partout chez eux et puissent donc étudier dans la langue de leur en français dans les provinces anglophones. Et il veut également que les anglophones et tous les habitants du Québec puissent, s'ils le désirent, étudier en anglais au Québec. Et son problème dans ce Canada qu'il veut mettre en place suivant cette ligne, son problème, c'est que l'éducation est une compétence exclusive des provinces. Il peut pas, il y a aucun pouvoir sur l'accès à l'école. Ce sont les provinces qui décident qui va à l'école en quelle langue. Les provinces sont complètement maîtresses de cette juridiction. Alors, pour contourner cet obstacle, M. Trudeau va dire, ben moi, voilà, maintenant, c'est une question de droit fondamental. Alors, il invente un droit fondamental, le droit fondamental à l'école anglaise au Québec et le droit fondamental humain à l'école française. Donc, non seulement il y a cette idée de charte qui dérange les provinces parce que ce sera une manière d'envahir d'une certaine manière leurs compétences traditionnelles, mais en plus, il invente des nouveaux droits. Exactement. Et là, ça va être des juges non élus, nommés par le gouvernement fédéral, parce que les juges des tribunaux supérieurs, pas seulement la Cour suprême, tous les tribunaux supérieurs de toutes les provinces, Cour supérieure du Québec, Cour d'appel, évidemment Cour suprême, et dans toutes les provinces, c'est la même chose, sont tous des juges nommés par le gouvernement fédéral. Alors, ces juges-là vont hériter, en quelque sorte, du pouvoir de gérer l'accès à l'école des provinces, qui va donc être enlevé aux provinces et donné à des juges. Alors, les provinces sont extrêmement, soit réticentes ou carrément complètement hostiles. En fait, ça va à l'encontre de la loi 101, en particulier au Québec, qui restreignait l'accès à l'école anglaise. C'est une petite révolution, au fond, qu'il a en tête, Trudeau. Effectivement, braquage. Puis en plus, je le rappelle, mais il dit le 2 octobre, si vous n'êtes pas d'accord, j'y vais quand même. Parce qu'à ce moment-là, il est convaincu qu'il peut procéder de manière unilatérale. On y reviendra. Mais donc, braquage, tant et si bien qui aura ce qu'on appelle la bande des huit, qui va se créer, un front commun des provinces. Toutes les provinces, sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, à terme, vont faire partie de cette bande des huit, qui va proposer à son tour, ces gens-là se réunissent, le 16 avril 81, proposition, entente, sur une procédure de rapatriement, sur une formule d'amendement, par la bande des huit. On écoute René Lévesque. Et c'est ainsi, enchaînant sur le consensus interprovincial qui était déjà intervenu en septembre dernier, que nous avons mis au point une formule d'amendement qui, d'une part, protège parfaitement bien les droits et les pouvoirs du Québec et qui, d'autre part, comporte aussi un dynamisme et une flexibilité qui permettraient d'évoluer pour s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Nous espérons simplement que cet accord des huit provinces qui sont opposées au rapatriement unilatéral incitera M. Trudeau à renoncer à son coup de force et à reprendre des négociations de bonne foi. Nous avons fait un effort honnête et sincère et laborieux à l'occasion pour trouver un compromis qui soit honorable pour tout le monde. C'est au premier ministre fédéral maintenant de revenir à la voie du bon sens et de se remettre à la table de négociation. Quel impact, Frédéric Bastien, aura cette entente de la bande des huit le 16 avril 81? Puis au fond, quel poids va avoir cette bande des huit face au gouvernement fédéral et au premier ministre Trudeau? Oui, alors, cette bande des huit, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que ce sont des provinces qui ont des intérêts extrêmement, pas nécessairement concordants. Donc, il y a le ciment de cette alliance, quel est-il? Le ciment de cette alliance, c'est l'entêtement de M. Trudeau, la manière cavalière avec laquelle il vraiment tente d'imposer son point de vue aux provinces, l'unilatéralisme et, pour certains de ses premiers ministres, la personnalité même de M. Trudeau. Je pense à des gens comme Peter Lougheed, à des gens comme Sterling Lyon du Manitoba, Peter Lloyd de l'Alberta, et évidemment M. Lévesque, qui vraiment avait vraiment des gros, gros problèmes, non seulement au niveau des politiques, mais personnels avec M. Trudeau. Donc, le ciment, c'est une opposition à M. Trudeau, mais c'est, au-delà de ce socle, après ça, là, il y a des divergences. Ouais. C'est que ils ont de la difficulté à s'entendre sur qu'est-ce qui remplacerait une éventuelle les propositions que M. Trudeau fait. Et donc là, ils essayent de façon laborieuse d'arriver avec cette entente qu'ils proposent. En gros, qu'est-ce que dit cette entente? Tout le chapitre, le volet droits et libertés auquel M. Trudeau tient tant, la question des droits, l'accès à l'école française dans le Canada anglais, l'accès à l'école anglaise au Québec, tout ça a été relégué vraiment à sa plus simple expression. Tout ça prend, on peut dire, plus ou moins prend le bord. Oui. Là. Et ce qu'il propose, c'est une formule d'amendement qui dit ceci: le Québec n'aurait pas de veto pour empêcher de futurs amendements constitutionnels, contrairement à ce qui avait déjà été proposé dans le passé à plusieurs reprises. Il y avait même une espèce de compréhension suivant laquelle le Québec et l'Ontario avaient un veto pour des changements constitutionnels. Et en lieu et place, le Québec aurait un droit de retrait d'un éventuel changement constitutionnel avec une compensation financière pour... C'est le compromis trouvé. Voilà, c'est le compromis trouvé. Et donc, les dix provinces sont égales. Il n'y a pas de droit de veto, mais le Québec a un droit de retrait avec compensation financière. Évidemment, ça n'émeuvera pas beaucoup Pierre-Elliott Trudeau, cette entente-là, parce qu'à ce moment-là, il continue d'être convaincu qu'il peut procéder de manière unilatérale. Son opinion changera un peu plus tard. Mais un mot quand même sur... Au moment où donc, il y a cette bande des huit, où Trudeau pense qu'il peut fonctionner de manière unilatérale, les provinces vont aussi, et Ottawa également, se livrer à ce que vous avez appelé dans votre livre la bataille de Londres, parce que Londres a un certain pouvoir, c'est Londres qui dira oui ou non au rapatriement de la Constitution à la suite d'une demande du gouvernement fédéral, parce qu'au fond, l'opinion de Margaret Thatcher, la première ministre britannique, est fondamentale pour la suite des choses. Alors, Frédéric Bastien, comment va se jouer cette fameuse bataille de Londres, ce ballet diplomatique, parce que ce sera ça en partie, qui se jouera. Oui, alors, ultimement, c'était le Parlement britannique qui devait voter cette résolution. Donc, évidemment, ce qui allait se passer en Grande-Bretagne était très important. Donc, M. Trudeau, dès le départ, en juin 80, rencontre Margaret Thatcher à Londres et elle lui dit, moi, je suis tout à fait... Elle voulait appuyer le gouvernement fédéral, vaille que vaille, parce que le Canada est un allié de l'OTAN, le Canada était un allié dans les deux guerres mondiales. Le fait qu'il y ait une opposition des provinces, ça l'émeut pas beaucoup. Et elle fait ça, même si elle s'entend pas très bien, par ailleurs, avec M. Trudeau, ce sont des idées complètement divergentes sur plusieurs sujets, mais là-dessus, elle l'appuie sans aucune défaillance. Le problème, c'est que Madame Thatcher est assez impopulaire à l'époque et elle n'a pas une grande majorité à la Chambre des communes. Et en Grande-Bretagne, il arrive souvent que les députés d'arrière-ban, sur des questions moins importantes, donc évidemment, en Grande-Bretagne, la Constitution canadienne, c'est pas une question super fondamentale, défient la ligne de parti et se mettent à voter contre leur propre parti. Et là, les provinces, sachant bien au fait, évidemment, de cette situation, et certaines provinces ont des représentants à Londres, des délégués généraux en Grande-Bretagne, vont commencer à rencontrer des membres du Parlement britannique, des députés, des lords. On les courtise, on les amène manger. On les amène manger dans les plus grands restaurants. Et comme on dit en anglais, sky's the limit. Ouais. Et là, à coup de grands vins, de plats fins, etc., il y en a même un député britannique qui avait dit, en tout cas, s'il n'y a pas du sang qui coule à propos de ce débat sur la Constitution canadienne, il y a certainement du Bordeaux qui va se répandre sur le plancher de la Chambre des communes, parce que c'était un débat bien arrosé, pour convaincre les députés. Ouais. Et donc, et ça fait son chemin, et il y a un doute qui émerge. Ouais. Il y a un doute qui émerge, et il y a cette décision, le 28 septembre 1981 de la Cour suprême, qui va tout changer. Que dit la Cour suprême, et de quelle manière ça change tout, Frédéric Bastien? Voilà, alors c'est un jugement très important, donc on va résumer en quelques minutes, même pas un jugement complexe, mais en gros, il y a deux choses. D'abord, la Cour suprême dit que M. Trudeau a le pouvoir, techniquement parlant, légalement, il peut rapatrier la Constitution sans les provinces, mais c'est contraire aux traditions, aux conventions constitutionnelles, pour être plus exact. C'est légal, illégitime. Mais c'est pas tout à fait correct, c'est ça. C'est un peu illégitime parce qu'il procède sans l'assentiment des provinces et les conventions veulent qu'il ait un appui substantiel de provinces. C'est plus ou moins l'expression que la Cour va employer, sans dire combien de provinces étaient nécessaires. On parle d'un appui substantiel de provinces. Alors, ça veut dire deux choses pour M. Trudeau. Il doit, parce que ce jugement a un grand, cette décision a un grand impact sur la suite des choses, il doit retourner à la table des négociations. Oui. Donc, c'est un peu la fin de la période de rapatriement unilatéral, entre guillemets. Et et ça, c'est une meilleure nouvelle pour M. Trudeau, parce que, d'une part, il est pris à retourner négocier, ce qu'il ne souhaitait pas faire. Mais par ailleurs, étant donné que la Cour suprême n'a pas dit que ça prenait un accord unanime des provinces, ça veut dire qu'il peut se passer de une ou plusieurs ou certaines provinces. Oui. Et évidemment, ça veut dire qu'il peut se passer de l'accord du Québec. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'il y aura cette fameuse conférence constitutionnelle de la dernière chance. Hein? Pierre Trudeau, donc, se résout à reparler, à rencontrer les premiers ministres provinciaux. Ça va se faire en novembre 81. Il y aura dans cette conférence cette fameuse nuit des longs couteaux où il y aura un accord de toutes les provinces avec le gouvernement fédéral, sauf le gouvernement du Québec. Et Frédéric Bastien, cette fameuse nuit des longs couteau, ce sera l'objet d'une émission. Je vous dis donc merci et à demain. Merci beaucoup. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, auteur du livre « La bataille de Londres, dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel ». Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à demain.